En 1961, l'année de la mort de Carl Gustav Jung, celui-ci publie un ouvrage intitulé « Ma vie, souvenirs, rêves et pensées », dans lequel il décrit entre autres sa rencontre puis sa rupture avec Freud. « J'eus des rêves des plus significatifs qui indiquaient déjà ma rupture avec Freud », écrit-il dans ce livre. L'un des plus impressionnants se déroulait dans une contrée montagneuse, au voisinage de la forêt austro-helvétique. Je suis à la frontière austro-suisse, au milieu des montagnes, à la tombée du jour. L'attente est longue, car les bagages sont fouillés systématiquement. Je remarque un garde-frontière, complètement décrépit, vêtu du vieil uniforme impérial. Je l'observe donc, errant de part et d'autre, avec son air mélancolique et grognon. Et alors quelqu'un me dit, il est là sans être là. C'est un fantôme, qui n'a toujours pas trouvé sa façon de mourir. Vous avez bien dit la frontière austro-suisse. C'est ça. Ce ne peut être qu'en rapport avec nous deux. Tout le monde fait l'objet d'une fouille. Cela pourrait suggérer que les idées qui circulaient librement entre nous à une époque sont maintenant sujettes à un examen des plus soupçonneux. Vous parlez des idées circulant dans votre direction. Quant à la pitoyable relique traînant de part et d'autre toute son inutilité, il ne pourrait être question que de moi-même. Pas si vite. À qui vous souhaitez charitablement une euthanasie prochaine. Un meurtre compassionnel. Nous sommes en 1911 et Freud avait alors, écrit Jung, perdu pour moi de son autorité. Mais après comme avant, il était pour moi une personnalité supérieure sur laquelle je projetais l'image du père. Et au moment du rêve, cette projection était loin d'avoir disparu. En présence d'une telle projection, on perd son objectivité, les jugements portés sont ambigus. On se sent d'une part dépendant et d'autre part on éprouve des résistances. À l'époque où vint ce rêve, j'avais encore Freud en haute estime, mais par ailleurs, mon attitude était critique. Impressionné par la personnalité de Freud, j'avais autant que faire se peut renoncé à mon propre jugement et refoulé ma critique. C'était la condition de ma collaboration. Je me disais, Freud est beaucoup plus intelligent que toi, il a beaucoup plus d'expérience. Pour l'instant, contente-toi d'écouter ce qu'il dit et de t'instruire à son contact. Puis, à mon grand étonnement, je rêvais qu'il était un employé grincheux de la monarchie autrichienne impériale et royale, un inspecteur des douanes décédé qui continuait à revenir. Serait-ce là le désir de mort auquel Freud faisait allusion? Bonjour Pierre Trigano. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes docteur en philosophie, écrivain, psychanalyste jungien et cofondateur de l'école du rêve et des profondeurs. Et lorsque nous avons choisi de faire cette semaine que nous avons intitulée « Faut-il tuer Freud ?» en s'intéressant à ceux qui en ont hérité et qui ont voulu le dépasser, eh bien, parmi les figures dont on parle cette semaine, tous n'ont pas voulu tuer Freud. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jung, lui, l'a tué au moins en rêve. C'est le sens du récit que je viens de faire. Oui, en effet, mais c'était le prix de sa liberté, parce que Jung avait pris conscience que Freud réduisait tous ses disciples à des enfants soumis. Hein, et même Jung a accusé Freud de reprendre à son compte toutes les idées créatrices que certains disciples avait avancé, c'est-à-dire il ne supportait pas que d'autres puissent avoir une pensée totalement autonome par rapport à lui. Et donc, c'est un conflit typique entre père tyrannique et fils d'abord soumis et puis cherchant sa propre voie ensuite. Pendant tout un temps, il a été un disciple très fidèle de Freud. Et même, il a été considéré et reconnu comme le premier disciple en titre, puisque Freud rêvait d'en faire son dauphin. Alors que Freud était à Vienne et Jung était plutôt en Suisse, à Zurich. Oui, mais Jung s'est déplacé à Vienne, Freud s'est déplacé chez Jung à Küsnacht, près de Zurich. Ça veut dire que leur relation était celle d'un maître et d'un élève, mais aussi faite d'amitié ? Je pense qu'ils se considéraient comme des amis, mais l'un était plus grand que l'autre. Donc pendant plusieurs années, Freud et Jung se sont échangés des rêves. Jung a présenté des rêves, Freud lui en a présenté aussi. Jusqu'à un certain moment où, à la faveur d'un rêve que Freud avait fait, Jung a posé une question et Freud n'a pas voulu répondre en disant « je ne peux risquer mon autorité ». Et Jung, dans ma vie, dit « à partir de cet instant, il n'a plus eu aucune autorité à mes yeux ». Mais ça n'a pas été facile pour Jung de rompre avec Freud. On peut dire que il s'en est suivi une crise fort grave pour lui, que certains ont pu qualifier de psychotique. Bah après la rupture avec Freud, il est en dépression pendant 4 ans, il abandonne ses fonctions de président de la Société internationale de psychanalyse, il démissionne de son poste à l'université de Zurich, il n'arrive plus à interpréter ses rêves, il recrée les jeux de son enfance en construisant des petits villages avec des pierres. Exactement. Il souffre d'insomnie, c'est vous qui le racontez, hein, il a l'impression d'être possédé et se replie sur lui-même. Tout à fait. Et donc, c'est pas facile de quitter, de rompre avec Freud. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait cette reconnaissance, cette valorisation de Jung par Freud, et puis subitement, plus rien. Vous êtes en train de dire que la rupture n'est pas du fait de Jung, elle est du fait de Freud ? Ah, la rupture est du fait de Jung, d'abord, parce qu'il a écrit un livre qui en fait trompait avec la théorie classique de Freud. Le livre s'appelait Les Métamorphoses. Alors, c'est le premier titre, c'est Métamorphoses de la libido. C'est devenu en 1954 Les Métamorphoses de l'âme et de ses symboles. On va entendre Jung, c'était en 1959, au micro de John Freeman sur la BBC. Jung est interrogé sur sa relation avec Freud et c'est étonnant parce que la manière qu'il a d'en parler n'est pas dénuée de toute forme de protection à l'égard de son ancien maître. What sort of man was Freud? Quel genre d'homme était Freud? Oh, c'était quelqu'un de complexe, vous savez. Je l'aimais beaucoup. Mais j'ai vite compris que quand il avait pensé quelque chose, alors c'était définitif. Alors que moi, je doutais tout le temps. Et c'était impossible de discuter de quelque chose vraiment à fond. Il n'avait pas d'instruction philosophique. En particulier, j'étudiais Kant profondément. And that was far from Freud. Et c'était loin de Freud. So, from the very beginning, alors, dès le début, il y a eu une différence. Tell me, did Freud himself ever analyze Est-ce que Freud vous a analysé? Oh, yes, I had submitted quite a lot of my oui, dreams je lui ai soumis beaucoup de mes rêves. And so did he. Et lui aussi. Oh, yes. Do you remember now at this distance of time what were the significant features of Freud? Est-ce que vous vous rappelez le contenu des rêves de Freud? Well, that is rather indiscreet. C'est une question assez indiscrète. Il y a une chose appelée le respect du secret professionnel. Il est mort depuis longtemps. Oui, mais ce respect dure plus longtemps que la vie. Regards last longer than life. Le respect dont parle Jung, Pierre Trigano, est-il celui à l'égard de Freud ou celui à l'égard du métier d'analyste? Tout analyste est soumis au principe de confidentialité. Hein, toute personne qui vient raconter ses rêves vient délivrer son intimité et d'une certaine manière se met à nu. Et la condition, c'est pour qu'il puisse le faire en toute confiance, c'est une confidentialité. Mais là, c'est une confidentialité qui dépasse la frontière de la vie et de la mort. Il ne veut pas déflorer les rêves de Freud, ce qui montre que Jung avait un très grand respect pour Freud jusqu'à la fin de sa vie. Et d'une certaine manière, il a été son maître et il le respecte. Il n'est pas anodin qu'il parle des rêves, car pour Jung, justement, le rêve, c'est ce qu'il appelle la voie royale vers l'inconscient. Alors certes, on pourrait penser que Freud aurait pu dire la même chose. D'ailleurs, cette expression est de Freud. Mais il y a une distinction entre les deux, c'est que Jung investit encore plus le rêve que Freud, n'est-ce pas ? Complètement. Pour Jung, la psychanalyse a pour véhicule essentiel le rêve. Alors que pour Freud, la psychanalyse est verbale. C'est le moi de la personne qui parle en analyse, allongé sur le divan. Et de temps en temps, le moi de l'analyste parle. Les rêves sont beaucoup moins importants que la dimension verbale de l'analyse. Alors que pour Jung, le rêve est essentiel. Alors, on pourrait dire que des analystes freudiens diraient, pour nous aussi, le rêve est essentiel, pour Freud aussi. Mmh. Mais il y a deux approches complètement opposées. C'est-à-dire, pour Freud, le rêve, finalement, doit toujours être réduit à faire ressortir le symptôme d'une névrose. Alors que pour Jung, le rêve contient ce qui guérit la névrose. De rêve en rêve, il y a un processus de guérison qui vient de l'intérieur même de la psyché. Et pour Jung, une analyse, c'est essentiellement ce travail du rêve qui est un processus de guérison qui vient de l'intérieur. Alors que pour Freud, le rêve est, on pourrait dire, le symptôme d'une maladie ou d'un dysfonctionnement. Mais c'est le fait de rêver qui guérit ou c'est le récit que l'on fait de son rêve qui va permettre d'avancer vers une forme de guérison ? Enfin, guérison, le terme n'est même pas approprié. Ce sont les symboles mêmes du rêve qui sont reçus lorsque le moi dort, qui constituent le véhicule de la guérison. Guérison, oui, c'est vous qui avez parlé de guérison. C'est moi qui parle de guérison. Parce qu'en psychanalyse, on ne parle pas de guérison en psychanalyse freudienne. Jung reconnaît le terme de guérison. Je pense que pour Jung, le rêve exprime toujours un processus de thérapie qui vient de l'intérieur. Pour Jung, la thérapie vient vraiment de l'intérieur de la psyché. Elle n'est pas administrée de l'extérieur par la façon de traiter le patient, mais il y a à chercher à l'intérieur même du rêve, dans la texture du rêve, dans le matériau objectif du rêve, il y a à dégager ce qui guérit. Pour Jung, le rêve n'appartient pas au rêveur. C'est l'expression d'une altérité qui vient du plus profond de lui. Le rêve, nous le recevons, nous ne faisons pas un rêve. Pour Jung, nous ne faisons pas un rêve, nous le recevons. C'est-à-dire que nous recevons le rêve au moment où le moi dort. Et qui nous l'envoie ? Alors, qui nous l'envoie, c'est ce que Jung appellerait le soi. À distinguer du moi. Et le moi dort et le soi est éveillé ? Le soi, pour Jung, c'est le centre transcendant de la psyché. C'est pourquoi, pour lui, il y a toujours, dans la psychanalyse, à son sens, une expérience spirituelle. Pas du tout pour Freud. Alors, Freud n'accueille pas le rêve tel qu'il est. Jung critique Freud parce que il casse le rêve, Freud. Il part du principe que le rêve dissimule un désir interdit. Et donc, parfois, il ne retient du rêve qu'un seul élément. Et dans un très long rêve, par exemple, il ne retient qu'un seul élément, le parapluie. Le parapluie, symbole du phallus. Alors c'est très facile, c'est en tout cas la critique de Jung, de faire du rêve ce qu'on veut. Alors que Jung considère qu'il faut respecter la totalité du rêve. Bien sûr, le rêve s'exprime dans une langue symbolique. Ce sont des symboles. Mais il faut accueillir ces symboles avec un grand respect, prendre le temps de les contempler, et surtout les mettre en rapport avec les autres symboles du rêve, parce qu'un rêve est un tissu de symboles. Et pour Jung, un rêve, c'est une totalité. Et c'est quand on le respecte en tant que totalité, il se délivre du rêve un message qui travaille à la guérison, c'est-à-dire à réduire la dissociation psychique et les souffrances psychiques. La dissociation entre le moi et le soi ? Entre le moi et l'inconscient, entre le conscient et l'inconscient. Alors, on va écouter un texte de Jung dans lequel il définit ce qu'il appelle être sa vie intérieure et qui s'oppose, il y a vraiment là une distinction frontale, avec la vie extérieure et les raisons pour lesquelles cette vie intérieure est, selon lui, à privilégier. Ne me semble être digne d'être raconté que les événements de ma vie par lesquels le monde éternel a fait irruption dans le monde éphémère. C'est pourquoi je parle surtout des expériences intérieures. Parmi elles, je range mes rêves et mes imaginations, qui constituèrent de ce fait la matière originelle de mon travail scientifique. Ils ont été comme un basalte ardent et liquide, à partir duquel s'est cristallisée la roche qu'il m'a fallu tailler. Auprès des événements intérieurs, les autres souvenirs pâlissent, voyages, relations humaines, milieux. Beaucoup de gens ont connu l'histoire de notre temps et ont écrit à son sujet. Il vaut mieux la lire dans leurs écrits ou se la faire raconter. Le souvenir des faits extérieurs de ma vie s'est, pour la plus grande part, estompé dans mon esprit ou a disparu. Mais les rencontres avec l'autre réalité, la collision avec l'inconscient, se sont imprégnées de façon indélébile dans ma mémoire. Il y avait toujours là abondance et richesse. Tout le reste passe à l'arrière-plan. J'ai toujours réfléchi, depuis ma plus tendre enfance. J'ai aussi beaucoup d'intuition. Et j'avais beaucoup de difficultés à ressentir des émotions. Et ma relation à la réalité n'était pas très brillante. J'étais souvent dubitatif quant à la réalité des choses. Et ça vous donne toutes les informations nécessaires à un diagnostic. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Aujourd'hui, en compagnie du psychanalyste Jung, avec en studio pour en parler le psychanalyste Pierre Trigano, le texte que l'on vient d'entendre nous donne peut-être la clé de la conception que l'expression Jung se clé de ce que dit Jung, c'est la rencontre avec l'intérieur, avec la réalité intérieure, avec l'autre réalité intérieure. C'est la rencontre avec une altérité pour le moi. Pour Jung, le soi, qui est au cœur de la psyché, au cœur de l'inconscient, c'est pour lui un point de vue autre que celui du moi. Justement parce qu'il intègre la totalité de la psyché. Et donc il peut travailler à la réunion des contraires. Il peut travailler à la réduction des conflits intrapsychiques. Et ce processus, on le constate, il est extraordinaire lorsqu'on accepte de se laisser guider à travers le processus des rêves. De rêve travaillé en rêve travaillé, il y a un chemin, on pourrait presque dire initiatique, qui se déroule et qui va dans le sens d'une réduction des conflits intrapsychiques, qui va dans le sens d'une incarnation du point de vue de la totalité dans le moi conscient. Le moi, au départ, n'est qu'un point de vue très unilatéral et très inconscient, finalement. Le moi est pétri d'inconscience. Mais est-ce que ça veut dire que cette réalité intérieure et ce qui est cet inconscient, quelque chose qui dépasse le moi, mais aussi qui dépasse mon individu? Le soi est quelque chose qui m'unit aux autres soi. Tout à fait, c'est la position de Jung. En réalité, le soi nous traverse tous. Jung écrit quelque part que le soi, c'est c'est moi et les autres. Donc le terme de mysticisme serait approprié pour parler de Jung ? En effet, Jung est tout à fait preneur de cette définition. Il y a une dimension mystique, mais une mystique laïque. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, elle n'est pas affiliée à une religion. Si vous voulez, avec Jung, la psychanalyse est aussi une expérience spirituelle, puisque c'est l'expérience de rencontre avec l'autre intérieur, qu'on pourrait même définir comme le tout autre, hein, puisqu'il est le point de vue de l'unité au sein de la psyché. En lui, la psyché se constitue en totalité. Et plus le moi s'approche de ce point de vue, plus il se pacifie, plus il peut se pacifier, plus il peut prendre conscience de ce qui le met en crise, de ce qui l'écartèle, de ce qui le divise, et plus il fait un pas vers l'unité. Donc, on peut dire que la psychanalyse est une expérience spirituelle, pas du tout pour Freud. Hein. Pour Jung, oui, mais c'est en fait la vraie raison de leur séparation. Ah oui. En réalité. Jung va jusqu'à parler d'un inconscient collectif, c'est ça, c'est une conception de l'inconscient qui est beaucoup plus vaste que celle de Freud, et absolument, qui donc se pense à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une culture, ou de l'humanité. Ben, si vous voulez, l'inconscient collectif, on pourrait le symboliser par un ensemble de cercles concentriques. Le cercle le plus large, qui contient tous les autres, c'est l'humanité. L'inconscient collectif de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'histoire est éminemment constitutive de la psyché. L'inconscient collectif de l'humanité condense en lui toutes les expériences de l'humanité depuis qu'elle existe. C'est pourquoi il peut arriver des choses étonnantes, comme quelqu'un fait un rêve qui contient tous les éléments symboliques d'un mythe très ancien qui correspond pas du tout à la culture du rêveur. Mais l'inconscient collectif intègre toutes les expériences psychiques de l'humanité. Ça, c'est le cercle le plus grand. Mais il y a des cercles de plus en plus petits. Le cercle de la civilisation, il y a toute l'histoire de la civilisation. Dans l'expérience de l'analyse, des personnes que j'accompagne parfois des personnes qui ont une culture totalement matérialiste, athée, et ce qui prouve que je ne fais pas de religion, et ces personnes sont très étonnées de découvrir dans leurs rêves qu'ils sont toujours influencés par, dans notre société européenne, toujours influencés par la morale catholique, par exemple. Ils s'en rendent pas compte, mais ils sont toujours marqués par ce trait de l'histoire, ce poids de l'histoire de plein de siècles, qui est donc sur la psyché. Mais ça, Freud ne serait pas en désaccord avec ça. Dans malaise dans la civilisation, il montre bien justement. Tout à fait. Même s'il ne parle pas d'inconscient collectif, tout à fait. Comment les mais sociétés et les cultures sont elles-mêmes des processus de défense. Ce n'est pas l'inconscient collectif qui est la découverte de Jung. On dit toujours que la découverte de Jung, c'est l'inconscient collectif, mais non. Freud était arrivé. Il parle par exemple des hérédités psychogénétiques qui caractérisent le contenu de l'inconscient, etc. Non, la découverte de Jung, c'est la découverte du soi, c'est-à-dire de ce centre transcendant de la psyché qui réunit toutes les dimensions, tous les contraires, le masculin et le féminin, le corps et l'esprit, le conscient et l'inconscient, et qui travaille donc à incarner l'unité qu'il constitue dans le moi. Alors on ne sera pas surpris d'apprendre que parmi les références de Jung, il y avait des textes orientaux et notamment des textes taoïstes et un texte qui s'appelle « Le mystère de la fleur d'or » dont Jung livre un commentaire. Je vous propose qu'on l'écoute juste après avoir entendu à nouveau un extrait de Jung lui-même, toujours en 59, où il parle de la prise de conscience de son moi propre. Alors après ce que vous venez de dire sur l'importance du soi, on pourra voir la distinction. Et puis ensuite un extrait du commentaire sur « Le mystère de la fleur d'or » dans lequel il s'agit de montrer l'importance, non pas de vouloir changer à tout prix, mais de laisser advenir. Absolument. Do you remember Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez pris conscience de votre moi propre? J'avais 11 ans. Là, sur le chemin de l'école, je suis sorti du brouillard. C'était vraiment comme si j'avais été dans le brouillard. J'ai fait un pas hors du brouillard et j'ai su que je suis. Je suis ce que je suis. Et alors je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que j'étais avant? Et j'ai compris que j'avais été dans un brouillard, ne sachant pas me différencier des choses. J'étais juste une chose parmi beaucoup d'autres. Il est arrivé de temps à autre dans ma pratique qu'un individu se dépasse lui-même en raison de possibilités obscures. Et cela a été pour moi la plus riche des expériences. J'ai en effet appris entre-temps que les problèmes vitaux les plus graves et les plus importants sont tous, au fond, insolubles. Et ils doivent l'être, car ils expriment la polarité nécessaire qui est immanente à tout système d'autorégulation. Ils ne peuvent jamais être résolus, mais seulement dépassés. En observant le processus d'évolution de ceux qui se dépassaient eux-mêmes en silence et comme inconsciemment, je vis que leur destin avait un trait commun. La nouveauté venait à eux de possibilités obscures. Ils l'acceptaient et se dépassaient grâce à elle. Que faisaient ces gens pour réaliser le progrès libérateur? Autant que j'ai pu voir, ils ne faisaient rien, mais laissaient advenir. Ainsi que le maître Lao Tsao l'indique, la lumière tourne suivant sa propre loi si l'on ne cesse pas d'exercer ses occupations habituelles. Le laisser advenir, l'action non agissante, l'abandon, est devenu pour moi la clé permettant d'ouvrir les portes qui mènent à la voie. Dans le domaine psychique, il faut pouvoir laisser advenir. Il y a quelque chose de paradoxal dans cette phrase, Pierre Trigano. Dans le domaine psychique, il faut pouvoir laisser advenir. Le « il faut » est emprunté au registre de l'injonction. Hein. Il faut faire ceci, il faut faire cela, donc d'une instance extérieure. Et en même temps, laisser advenir implique au contraire de lâcher complètement la bride et d'ouvrir les vannes à quelque chose qui ne dépend pas de nous ni de l'extérieur et qui arrive malgré nous. Oui, mais vous avez eu raison de réunir à la fois la phrase de ma vie, où Jung parle de son moi propre quand il l'a découvert, à 11 ans, ce qui est un peu tard, on pourrait dire, pour Jung, qui avait eu des tas de problèmes dans son enfance. Et puis ce deuxième texte où il est question de laisser advenir. D'abord, le moi propre. Eh bien, il est essentiel que nous soyons un moi, que chacun de nous, vous-même, vous êtes un moi, je suis un moi. Il est essentiel que cette instance existe en nous parce que c'est ce qui nous différencie. Hein, la vie à partir de la naissance est un chemin qui va de l'indifférenciation à la différenciation. Hein, nous avons besoin du moi. Nous avons besoin d'être un moi pour rencontrer le réel de manière personnelle. Recevoir la réalité de manière personnelle, de manière différente que celle d'un autre, plutôt que de rester des êtres indifférenciés qui ne sortent pas de la matrice qui les a constitués, par exemple. Donc le moi est absolument essentiel et Jung ne cessera de le dire toute sa vie. Ce qui le distingue peut-être d'une compréhension, peut-être une mauvaise compréhension des mystiques orientales qu'on postule comme recherchant l'annulation du moi. Hein. Le moi est absolument essentiel, mais pourquoi? Pour recevoir le processus qui vient de l'intérieur même de la psyché. Le moi reçoit toute la sensibilité du monde extérieur, l'expérience du monde extérieur, mais il reçoit aussi, notamment à travers les rêves, nous recevons les rêves, comme je le disais, le moi reçoit le processus intérieur. Et s'il n'y avait pas de moi pour recevoir ce processus intérieur, en fait, il n'y aurait aucune issue, aucune possibilité de guérison. J'en viens au texte du mystère de la fleur d'or. Qu'est-ce que c'est le mystère de la fleur d'or déjà ? Alors, le mystère de la fleur d'or, c'est un traité chinois, très ancien, taoïste, alchimiste, et Jung en a fait le commentaire, un commentaire psychologique. Et donc c'est un livre fameux, le commentaire du mystère de la fleur d'or, c'est un de mes livres de Jung préférés. Hein. En fait, Jung a beaucoup pensé la réalité du soi à travers le concept de Tao. Il s'est beaucoup inspiré des taoïstes et des spiritualités extrêmes orientales. Après, il l'a trouvé aussi dans les spiritualités chrétiennes, etc. Mais en fait, recevoir le processus intérieur, c'est le laisser advenir. C'est ce qui se passe quand un moi s'engage, enfin quand un individu s'engage consciemment dans un processus d'analyse. Selon les critères de Jung, c'est-à-dire où notamment le rêve est très essentiel, eh bien un rêve, il faut le laisser advenir. Il faut laisser advenir ce processus, il faut pouvoir s'y abandonner, s'engager à le laisser se dérouler de rêve en rêve, parce que les rêves, c'est pas nous qui les créons. Oui, mais justement, quand vous dites, ou quand Jung dit « il faut », c'est comme si ça pouvait être un processus conscient. Alors, de deux choses l'une, soit on laisse advenir et c'est pas de la volonté, c'est pas conscient, soit il faut le faire, on fait tout pour y arriver, Jung, et du coup, on n'est plus dans le laisser advenir. Il parle à partir de son expérience de psychanalyste. Il faut, ça veut dire que pour être en psychanalyse, il faut s'y engager. Hein. Pour, peut-être 80% de l'humanité, le rêve, c'est l'expression des vapeurs de la digestion. Donc, le rêve est insignifiant. Et comment faire ? Est-ce que Jung nous aide à nous rendre attentifs à ces rêves, à en proposer le récit ? Parce que le problème des rêves, c'est que, comme vous le dites, ils sont évanescents, on se réveille. Parfois, on ne se souvient pas du tout de ce dont on a rêvé. Alors, parfois, on ne s'en souvient pas, mais parfois, on s'en souvient. Et parfois même, ça fait un choc. Et l'expérience montre que quand on s'y intéresse, eh ben, on commence à s'en rappeler. C'est comme un muscle qu'on peut travailler ? Si vous voulez. La mémoire du rêve. Je n'oserais pas utiliser cette métaphore, mais c'est surtout à partir du moment où on prend conscience que les rêves sont importants pour notre vie, qu'on s'en rappelle. Jung raconte une anecdote à ce sujet. Pendant son voyage en Afrique, quand il était, ce qui est le Kenya aujourd'hui, il parlait avec le chef d'une tribu Maasai, et il lui pose la question « Est-ce que vous rêvez ?» Et le chef lui dit « Eh bien, avant je rêvais, quand j'étais vraiment le chef de la tribu. En rêve, je recevais une guidance. » Maintenant, ce n'est plus à moi à rêver, c'est au gouverneur britannique. Donc, le Kenya étant à l'époque une colonie britannique. Et Jung de dire, évidemment, malheureusement, le gouverneur britannique se moque de ses rêves comme de sa première chemise. C'est-à-dire que les rêves, c'est une relation qui s'établit avec l'intérieur. À travers un rêve, c'est le soi qui s'approche du moi pour entrer en relation avec lui. Si le moi répond pas, eh bien, ça se perd. Alors, d'un côté, il y a cette prise en compte du soi, qui donc dépasse largement le moi, qui est collectif même, qui se propage à toute l'humanité, qui appartient à l'humanité entière, disiez-vous. Il n'est pas... Dites-moi. Disons pas qu'il est collectif. C'est l'inconscient qui est collectif, et voilà. Le soi... Il est l'union harmonieuse du collectif et de l'individuel. Auxquels viennent s'ajouter les différents types psychologiques que Jung met au point. Ça, c'est assez intéressant, parce que d'un côté, il y a cette dimension mystique sur laquelle nous insistons, et de l'autre, il y a cette dimension qui en fait beaucoup plus psychologique. Il distingue différents types psychologiques, il repère à travers les différentes personnalités qui composent une société. Il y a deux types fondamentaux, par exemple, les introvertis et les extravertis. Et il distingue quatre fonctions psychologiques qui vont être modifiées par le type du rapport au monde. La pensée et le sentiment qui appartiennent à la catégorie du rationnel, alors que la sensation et l'intuition appartiennent à la catégorie de l'irrationnel. Comment est-ce que les deux peuvent cohabiter? D'un côté la dimension mystique et de l'autre la dimension psychologique, qui peuvent paraître antithétiques quand même. Oui, mais justement, Jung, pour parler des fonctions, par exemple psychologiques, utilise un mandala très intéressant, où on voit les quatre fonctions, donc disposées deux à deux. Hein, il y a effectivement les fonctions rationnelles, qui sont la pensée et le sentiment, et qui sont opposées entre elles. C'est-à-dire, chez un individu, par exemple, si la fonction pensée est dominante, la fonction sentiment sera complètement refoulée dans l'inconscient. Alors c'est le type d'individu très mentaux, très froid, très tourné vers les sciences, les principes, souvent malheureux en amour. Voilà, parce que le sentiment est complètement refoulé dans l'inconscient. Mais entre les deux, au centre du cercle où il y a ces deux dimensions, il y a aussi les autres fonctions. Hein. Ben, il y a le soi. Qui est l'union des contraires dans la psyché, qui lui veut réunir de manière harmonieuse l'intellect et le sentiment, par exemple, et qui veut réunir de manière harmonieuse la sensation et l'intuition, les deux fonctions opposées qui sont dites irrationnelles. C'est-à-dire que le soi travaille toujours à réunir les fonctions opposées. Il a à sa disposition les quatre fonctions, hein, intuition, sensation, pensée, sentiment, les deux grandes tendances, introversion, extraversion, et il est leur unité. Parce que ça existe aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire un test, on peut même le faire en ligne, et en répondant à des questions, on voit à quelle catégorie on appartient. Ça, c'est d'accord. La postérité. Mais il faut savoir, dans l'inconscient, de Jung. Il y a l'opposé. Dans l'inconscient, il y a l'opposé. Et c'est très important d'en prendre conscience. C'est que c'est le soi qui fait le travail, en fait. C'est le soi qui vise à rétablir cette harmonie. Eh bien, à travers les rêves, on s'aperçoit qu'il y a des personnages. Pour une personne qui serait de type pensée dominante, il y aura des personnages, d'abord très dérangeants, qui vont arriver dans les rêves, qui seraient plus du côté du sentiment. Alors il va loin quand même dans l'élaboration de ces types psychologiques, même dans les types physiques et psychiques, parce qu'il va aller jusqu'à opposer l'inconscient juif à l'inconscient arien. C'est de montrer qu'il y a ce type d'opposition. Il faut quand même préciser, et d'ailleurs vous avez écrit un ouvrage hein, sur le sujet, Pierre Trigano, Jung à l'épreuve du nazisme, qu'au début, au moment de l'arrivée d'Hitler en 1936, et il est du côté du Führer, et puis ensuite il revient sur son engagement. Voilà, c'était un égarement. Un égarement. Tout à fait déplorable. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Hein? Et qu'il a dépassé totalement après cette sinistre période, dont il ne parlera plus en ces termes-là. Hein? On peut dire que c'est vrai que la psychologie de Freud a beaucoup emprunté à la mystique juive, mais c'est une psychanalyse pour l'humanité. Ça s'adresse pas aux juifs. Or, dans le discours de Jung à cette époque, qui était un peu égaré, hélas, ça justifiait que on interdise Freud en Allemagne, par exemple. Mais vous dites égaré, il a quand même établi toutes ces catégories, donc il n'est pas complètement perdu au moment où il établit ces catégories qui lui permettent de penser l'ascension du nazisme et d'y adhérer un temps. Oui. Et pour moi, c'est de l'égarement. Très rationnel. Ah, ben oui, pourquoi pas rationnel. On peut délirer de manière très rationnelle. Je ne sais pas ce que rationnel... Oui, pour Jung, le sentiment et la pensée sont tous les dans le domaine du rationnel. Et pour vous, en fait, du coup, il y a deux Jung. On peut distinguer vraiment deux Jung différents. Disons que... Celui qui est nazi, celui qui ne l'est pas. C'est ce que vous semblez dire dans votre livre. Ben, il y a toujours eu deux Jung. Il le dit lui-même. Hein, il écrit « Je suis un écheveau de contradictions. » Et il ne peut se supporter qu'en se considérant comme un phénomène objectif, c'est-à-dire en s'étudiant tel qu'il est. Et donc, il y a toujours eu de Jung, on peut l'expliquer psychanalytiquement, c'est ce que j'ai fait dans un livre que j'écris en plusieurs tomes, qui s'appelle « Psychanalyse et Jung », dont deux sont sortis, le troisième sortira bientôt. Je montre, j'explique pourquoi, qu'il y a toujours eu deux Jung. Jung part d'un traumatisme très grave dans son enfance. Donc, on peut repérer qu'il a subi un inceste de la part d'un de ses oncles. On a les preuves de ça maintenant. On a des rêves qui le montrent. Et à partir de là, il y a à la fois une tentative. Il y a tout le chemin très spirituel et mystique de Jung en direction du soi. Et en même temps, il y a un Jung très douloureux qui, d'une certaine manière, comme certaines personnes qui ont été violentées, et surtout dans la petite enfance, est fasciné par la toute-puissance masculine. Et hélas, Jung a été fasciné à l'époque du nazisme par cette toute puissance de l'archétype masculin qu'incarnait de manière totale le nazisme. Mais il s'en est sorti. À chaque fois, il y a un processus de guérison qui vient à partir de ses rêves, justement. Oui, vous dites qu'il y a des rêves qui nous racontent. Que ça veut dire que pour vous, à la suite de Jung, les rêves ont valeur quasiment de preuve? Oui, mais ça même Freud le dirait, hein, sur les traumatismes. Là, vous dites, on sait que... Bah oui, mais plusieurs générations après? Pourquoi plusieurs générations après, là? Vous dites, certains rêves nous ont confirmé que Jung avait subi un inceste lors de son enfance. Certains rêves de Jung. De Jung. Dont le premier, qui relate dans ma vie, qu'il a fait à l'âge de 4 ans. Hein, où il est question d'un phallus géant. Qu'il définit comme un dieu incommode dont il vaut mieux ne pas parler. Alors en revanche de Jung, les intellectuels français ont un peu parlé. Parmi ceux qui en ont parlé et qui lui ont rendu hommage, on trouve le philosophe Gaston Bachelard. Écoutez. S'il y avait une faculté négligée par les philosophes, c'était bien l'imagination. Il suffit cependant de considérer l'homme tel qu'il est pour sentir le dynamisme singulier de son imagination. Les images qu'une psychologie superficielle pouvait tenir pour fugaces et contingentes nous apparaissent comme fortement enracinées dans le psychisme humain. Les images aussi ont une hiérarchie, et Jung, sans relâche, s'est efforcé d'élucider cette hiérarchie pour trouver les images fondamentales, celles qui sont vivantes en tous les siècles, en tous les hommes, de races et de cultures différentes. Ce sont ce qu'il appelle, c'est bien connu, les archétypes de l'imagination. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Les archétypes de l'imagination, c'est en effet une expression de Jung, hein, Pierre Trigano. Vous connaissiez cet archive de Bachelard? Oui, oui. Il parle donc, c'était en 1955. Tout à fait. Et c'est à travers l'importance des images. Bachelard est celui aussi qui accordait le plus d'importance aux rêves en philosophie. Tout à fait. Donc très, très impacté par Jung. Vous voyez, on voit bien que pour lui, à la suite de Jung, les images sont un matériau objectif, c'est pas quelque chose de subjectif. Les images d'un rêve viennent d'un point de vue autre que le moi, et qu'il est absolument salutaire pour le moi de rencontrer, hein, pour sortir de ses contradictions, pour élargir sa conscience, Pareillement, Jung a développé, donc pour Jung, les rêves sont essentiels, donc c'est même le véhicule central de l'analyse, mais pas seulement. Il y a également ce qu'il appelle l'imagination active. Alors, l'imagination active, qu'il ne conseille pas au début d'une analyse, par exemple, hein, contrairement à ce que ça se fait ici ou là, depuis, parce que pour lui, il faut d'abord que la relation au soi, la relation du moi au soi soit enracinée, soit vraiment enracinée consciemment. C'est la fonction d'une analyse de rêve. Mais la fin naturelle d'une analyse de rêve, c'est le développement de ce qu'il appelle l'imagination active. C'est-à-dire que le moi va entrer, donc le moi là, il ne dort plus, hein, c'est à l'état de veille, mais à l'état de veille, il va entrer en relation avec les images d'un de ses rêves, d'un des rêves de l'individu, du sujet. Et ce qu'il en sort est toujours quelque chose de passionnant parce que il y a aussi le moi va se mettre en quête du soi consciemment et l'inconscient répond. Par exemple, quand on questionne un rêve, qui es-tu, pourquoi tu viens me voir, l'inconscient répond, l'inconscient dit quelque chose. Et à travers l'écriture, par exemple, ou à travers un dessin, ou hein, donc. L'imagination active, pour lui, c'est un dialogue qui s'établit entre le moi et le soi. Et c'est quelque chose de passionnant. Et on comprend forcément ce que nous dit le soi ? Oui, à partir d'un certain moment, oui, bien sûr. Il faut s'entraîner. Oui, absolument. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Et on terminera avec cet exemple, allez-y. Hein ? Bien, une femme de grande profondeur, qui était en analyse de rêve, donc depuis plusieurs années. Elle a commencé son analyse en travaillant sur quelque chose qui l'a profondément meurtri à l'âge de 12 ans, à savoir qu'elle était enfant, elle était très casse-cou, elle avait toute une bande d'amis, elle jouait avec des garçons, et puis à l'âge de 12 ans, rentrant de ses jeux, son père l'a giflé, comme ça, sans lui dire un mot, et après en lui expliquant qu'à partir de maintenant, je t'interdis de jouer avec des garçons. Et donc, cette gifle l'a meurtrie, ça en a fait une intellectuelle, elle est plus sortie de sa chambre, elle est devenue une féministe très engagée, très en colère contre le patriarcat, et elle a eu des rêves qui montraient qu'il fallait sortir de cette opposition patriarcat-matriarcat, hein, parce qu'elle était très branchée sur le matriarcat. Et le matriarcat était représenté par un crocodile et le patriarcat par un rhinocéros. Et puis à un moment donné, au bout de 4 ans, elle avait quasiment fini son analyse, elle reçoit un rêve qui lui dit, c'est une voix qui lui parle dans le rêve, tu dois entrer en relation avec un homme qui risque de tuer une fille de 12 ans. Et pour que cette fille ne soit pas tuée, il faut que tu changes la psychologie de cet homme. C'était quelque chose comme ça. Enfin, c'était le sens du rêve. C'était une invitation à entrer en imagination active, donc avec une figure de son père, en fait. Mais pas sur le mode de l'opposition, du conflit, de la haine, parce que cette haine, elle a beaucoup cultivé, mais a trouvé finalement comme une réconciliation avec ce masculin. Bon, c'est une femme qui a été très souvent en opposition avec les hommes, y compris avec son mari. Et en fait, cette imagination active a été très apaisante parce qu'elle a eu une longue discussion avec cet homme, et cet homme lui a demandé pardon et lui dit « je ne veux pas te tuer, je... » Voilà. Merci beaucoup Pierre Trigano pour ce témoignage et pour nous avoir parlé de Carl Gustav Jung ce matin. Merci à vous de m'avoir invité. On se quitte en rêvant avec Jacques Higelin. des difficultés avec ma santé comme tout le monde. Des petits malheurs, un coup dur par heure comme chacun. Je me plains pas souvent et je vais de l'avant comme tout le monde. Car j'ai découvert un truc du tonnerre comme pas un. Dès que j'ai mis mon pyjama de finette, toute la nuit c'est le cinéma, ma tête s'envole. Je suis Tarzan, Michel Morgan m'adore. Quand j'apparais, les femmes supplient encore, sont folles. Ouais, je suis statue, voyez mon socle. Je suis ministre avec monocle. Je suis acteur, je joue Sophocle en toge. Je suis coureur automobile. Je parcours les déserts stériles. L'académie me trouve habile. Éloge. Au bord des toits, je me promène la lune. Entre mes doigts se change en thune. Je bois. Mais le matin, quand mon réveil résonne, fini la fête, il n'y a plus personne, j'ai froid. Samedi dernier, je me suis saoulé comme tout le monde, et je suis rentré un peu éméché, mais très gai. J'étais fin perdu et j'y voyais plus comme tout le monde. Je me suis couché et puis j'ai rêvé comme jamais. C'est pas mon lit, c'est pas mes draps, ça danse. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle chance, une môme. Ouais. Pour une fois, je rêve à deux, c'est chouette. J'en avais marre de voir en tête à tête ma pomme. Des rêves comme ça, j'en réclame. Des rêves en forme de bonne femme. Avec des cheveux, avec une âme. Ouais, c'est bon, c'est bon. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, le rêve continue avec le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoy. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Je dis les rêves continuent, mais en fait vous allez pousser un coup de gueule ce matin. Et oui, cet été est paru dans Le Monde un entretien de l'écrivain voyageur Sylvain Tesson. Il y développe notamment ce qu'il appelle la starbuckisation du monde. Entendez l'uniformisation de nos modes de vie, favorisée par Internet, machine qui, je cite, est capable de réaliser la conformation absolue de l'homme à un modèle unique. Toujours très pertinent. Et pourtant, en le lisant hier avec 2 mois de retard, je dois dire que j'étais hors de moi. Le problème n'est pas Sylvain Tesson, mais cette critique incessante de l'uniformisation. Quel est le problème avec le fait que tout le monde devienne semblable? Un mouton, c'est bête un mouton. Deux moutons, c'est bête, bête deux moutons. Le principe est tout bête, un mouton c'est un mouton. C'est bêta, c'est bébête, c'est ballot, c'est concon. Un nigo plus un bonnet, simplon te multiplie. Simplet fois simplon font qu'un troupeau, c'est couillon. Tout le monde se ressemble, tout le monde s'habille pareil, mange pareil, pense pareil et tout le monde pense que tout le monde est pareil. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Starbucks, Zara, Nike, l'iPhone, McDo, Google en sont les signes les plus frappants. Condition de l'uniformisation la plus crasse. Mais que monsieur et madame tout le monde sont bêtes, ils sont comme les autres et on est donc tous les mêmes. Tout le monde est donc comme tout le monde et même celui qui pense s'en extraire. C'est magique et tragique et ce qu'il est encore plus avec la critique de l'uniformisation, c'est qu'il n'y a rien de plus uniforme. Ceux qui se pensent les plus originaux à pointer le danger de la globalisation sont en fait les plus attendus. On dirait même, comble du sort, qu'ils font partie du processus global, capable de déculpabiliser les plus lucides tout en les laissant continuer à faire comme tout le monde. Un jour Sylvain Tesson, l'autre Nietzsche et sa critique de la démocratie, un jour Richard Gottener et sa chanson « Mouton », l'autre « Tocqueville » et sa crainte de légalisation des mœurs. Peut-on penser autrement? Moi qui suis un pur être de nuance, je ne peux être que radical. Je ne vois absolument pas de progression chez mes semblables qui sont gratifiés depuis une vingtaine d'années des outillages numériques. Je ne vois pas de progression du mystère, du charme, de la connaissance, de l'originalité, du génie du langage chez les êtres humains. Pourquoi, quand on écoute Sylvain Tesson, on n'est au fond pas très surpris? Pourquoi sa radicalité n'est-elle pas si radicale et résonne avec cette petite musique tant chantonnée sur le thème du « on est tous pareils » ? Pourquoi, paradoxalement, tout le monde est d'accord sur les dangers de l'uniformisation ? La laideur, c'est quand tout se ressemble. C'est une citation de Sylvain Tesson citant lui-même le neurologue Lionel Nakache. D'un côté, on soutient l'universalité et la démocratie, mais surtout pas de l'autre, l'uniformisation qui va avec, qui impliquerait toute une esthétique de la laideur, toute une morale de la faiblesse, toute une économie de la mondialisation et toute une métaphysique du pire. Serait-on un peu de mauvaise foi? Regardez, même les films d'anticipation jouent sur ce ressort de l'uniforme. Le pire, c'est quand on sera tous des robots. À la monotonie, il faudrait opposer la différence. Au même, l'autre. À la fusion, la séparation. Au global, le singulier. Au fond, ce qui est pointé, c'est cette incapacité à sortir de soi, à voir l'autre. Mais d'une part, n'est-ce pas là un fantasme sur l'autre, qui serait forcément différent sans Starbucks, sans Zara ou sans Internet? Et d'autre part, l'uniformité empêche-t-elle vraiment la différence? Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux, retiré à l'écart et comme étranger à destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. J'aime Alexis de Tocqueville encore plus, lu par Michel Houellebecq, et je trouve sa critique de l'uniformisation des conditions vraiment géniale. Pourtant, ce qui me semble désormais terrible, c'est que non seulement elle est devenue commune, malgré sa dimension visionnaire, mais qu'en plus, elle est aristocratique, tout en déplorant au nom du collectif cette crise du tout pareil. C'est cependant chez Tocqueville que l'on trouve une réponse intéressante. Alors qu'il parle dans le premier volume de La démocratie en Amérique des partis politiques au siècle démocratique, il explique qu'ils sont d'accord sur tout, mais qu'ils se déchirent sur des points de détail. Et il nous dit ainsi deux choses. D'abord, que croire qu'on va échapper au conformisme est un leurre. On reste plus ou moins d'accord sur tout. Mais que malgré tout, il y a de la différence et qu'elle se cache dans les détails, mais qu'elle ne peut se révéler que sur un fond uniforme. Il ne s'agit pas de rêver d'un autre monde, mais au contraire de viser plus que l'uniformisation. Quelque chose par exemple comme l'inclusion, qui elle permettrait d'accueillir tout le monde avec ses petites différences en son sein. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Salle avec Isis Jourda, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Julien Calva qui est à la prise de son. Nicolas Berger et Julien Calva ont également proposé le doublage pour les archives de Jung que vous avez entendu aujourd'hui. Merci à eux. Hélène Losseur est à la lecture des textes cette semaine. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de la question « Faut-il tuer Freud ?», c'est-à-dire l'occasion de parler de différents psychanalystes à la suite de Freud. Eh bien, demain, nous serons en compagnie de Julia Kristeva et on parlera de Mélanie Klein. On se demandera comment réparer l'enfance. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également pour faire comme tout le monde sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on attend vos remarques et vos commentaires. À demain. 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.